Donc, contre toute attente, la santé est revenue. J'ai décidé de vous enregistrer quelques réflexions en ce jour de pluie. Alors, oui, le dengue m'a attaqué et je vais le mater. Je vais survivre à ce dengue, mais il me relance des baffes à la figure. En fait, pas la figure, aux jambes. J'ai toutes les jambes picotées, rouges et blanches. Et c'est comme des petits coups de rasoir qui m'assènent comme ça, le dengue. Ça fait très, très, très, très, très mal. Ce matin, j'ai fait des cris de douleur et de rage parce qu'on est... Je suis tannée d'être malade. Ça fait une semaine. Mais je vais mieux, comme vous voyez. La fièvre est partie. Et puis, les pilules, en fait, qu'on m'a données contre la picote, bien vraisemblablement, ça fonctionne pas. Ça, l'acétaminophène a calmé la fièvre. Et pourtant, les pilules de couleur rouge et noir, les couleurs du drapeau sandiniste, là, ça, par contre, ça ne fonctionne pas. Alors, tranquillement, je me remets de ce dengue en cette journée de pluie de dimanche où j'ai pas le droit de boire de café, j'ai pas le droit de prendre des œufs, j'ai pas le droit de prendre du pain. Alors, on se rappellera pour le brunch 2 œufs tournés bacon et un bon café. Donc, non, c'est seulement de l'eau avec le citron et le calme, le repos, tranquillement, mais sûrement. À la semaine prochaine!